Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy. Comme à l'habitude, ben une sélection complètement donc éclatée, sélection que vous entendrez nulle part ailleurs parce que c'est de la musique en téléchargement gratuit, de la musique qui provient de la scène Net Audio, donc des artistes qui produisent de la musique et pas nécessairement pour le profit, c'est vraiment souvent des passionnés qui le font juste parce qu'ils aiment ça, c'est pas toujours un but dans un but lucratif. Donc, cette semaine, on va débuter avec un artiste de l'Ukraine, c'est Longman. Je vous fais entendre sa pièce Domestic Violence. C'est sur l'excellente étiquette Pickpack, une étiquette que j'apprends à apprécier. Toujours plein de bons albums sur l'étiquette, donc je vous invite à visiter leur site. Ensuite de ça, sur l'étiquette Bestiaire Netlabel, je vous fais entendre Kinoplatz. C'est un duo qui nous vient de l'Argentine. Je vous fais entendre la pièce Jaruzelski. Donc, on va débuter avec ces deux pièces-là. Puis, si au cours de l'émission des pièces vous intéresse, vous pouvez les télécharger de façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour télécharger la musique. Donc, ben c'est ça, on débute Web Musique avec Longman et la pièce Domestic Violence. De l'Argentine, c'était Kinoplatz, donc un duo avec leur pièce Jaru Zelski, c'était sur l'étiquette Bestiaire Netlabel. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Longman, un artiste de l'Ukraine, avec sa pièce Domestic Violence. Ça, c'était sur l'étiquette Pickpack. On poursuit cette fois-ci avec Sideflip, un artiste publié sous l'étiquette Subwise, une étiquette qui nous vient de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vais vous faire entendre la pièce Sequentially Repeating Movement. Ça va être suivi par un artiste du Portugal du nom de Diamond. Sa pièce s'intitule Kill the Flesh. C'est sur l'excellente étiquette Enough Records. I'm not flesh. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un peu de dubstep qui nous vient du Portugal. C'était Diamond avec sa pièce Kill the Flesh. C'était sur l'étiquette Enough Records. Avant ça, on entendait Sideflip avec la pièce Sequentially Repeating Movement. C'était ça sur l'étiquette russe Subwise. On poursuit avec un français du nom de Machette. Je vous fais entendre sa pièce Tokyoto. Ensuite de ça, ça va être un duo de Montréal, Sax Syndrome, drum comme un drum D-R-U-M. C'est la pièce Earth Strings. C'est remixé par Johnny Ripper, un artiste de Montréal qui a joué plusieurs fois à Web Music. Toujours apprécié. J'aime toujours ses remixes. Donc, c'est ça pour tout de suite. On écoute Machette avec la pièce Tokyo. Tout. Yeah.

C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. C'est l'hiver et les hommes sont bavards dans l'ivresse. Pas un au chevet de mon lit. J'ai toujours dit que les complaintes, c'est un art du silence, parce que les gens qui chantaient des complaintes chantaient pas ça publiquement en veillée, parce qu'au Québec, on s'amuse. Alors, ils chantaient ça tout seul. Michel Faubert, porte-parole des États généraux du patrimoine immatériel, à Sentier Secret, mardi 18 mars à 10h. C'est dans leur secret que les complaintes se sont transmises. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un duo de Montréal, Sax Syndrome. C'était une pièce remixée par Johnny Ripper. La pièce s'intitule Heartstrings. On poursuit avec un artiste du Portugal, c'est Mr. Herbert Quain. Je vous fais entendre sa pièce Now. Ensuite de ça, sur l'étiquette russe Clinical Archives, je vous fais entendre un groupe de l'Angleterre. Il s'agit de Red Cosmos. La pièce s'intitule Nothing is Happening. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Mr. Herbert Quain. Thank you. thing more impossible than staying was leaving. Thank you. C'était Red Cosmos avec la pièce Nothing is Happening. C'était donc sur l'étiquette russe Clinical Archives. Avant ça, on entendait Mr. Herbert Quine avec sa pièce Now. Ça, c'était sur l'étiquette Ziegert Artists. On poursuit Web Music avec un artiste publié sur l'étiquette Headphonica. Il s'agit de Phonotrash. Je vous fais entendre sa pièce Teleporting. Après Phonotrash, on va entendre Omara avec sa pièce Secret. Omara qui nous vient de l'Allemagne et qui publie sur sa propre étiquette appelée Omara Music. Donc pour tout de suite, on écoute Phonotrash. We'll be right back. C'était la pièce Secret par O'Mara, un artiste de l'Allemagne. Avant ça, c'était une pièce de Phonotrash intitulée Teleporting. C'était ça sur l'étiquette Edphonica. Ça va déjà être tout pour Web Musique. On va se quitter sur une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez retrouver la playlist et tout ce qu'il vous faut pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Restez à l'écoute tout de suite après. Donc, ça va être la croche-oreille à l'antenne de CKRL. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour une belle heure de musique hors audio. Donc, on se quitte, nous, sur une pièce de Mechanical Mass. Ça nous vient de la ville de Moscou, en Russie. La pièce s'intitule Follow the Space Renovation. C'est sur l'étiquette de Pickpack. Bonne soirée. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le Radioton de CKRL arrive à grands pas. Des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Les 4, 5 et 6 avril. Ça ressemble à peu près à tout ce qu'on peut imaginer. Et cette grande rencontre radiophonique sera présentée par la Barberie. Unie dans la fierté à cause de ce que vous avez réalisé. La boîte à pain Café Napoli. C'est un grand honneur et un privilège pour nous d'être ici. Et le bal du lézard. C'est un moment sans prix dans l'histoire de l'homme. CKRL présente Caroline and the Stars Above. I got my mojo working, buddy. Au bal du lézard, le 5 avril. Caroline and the Stars Above. Au bal, à 21h. $5 à l'entrée. And business is good. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. 89. Okay, ready. Let's do it. Cette émission vous est présentée par Avatar, Centre d'art.